Martial, t'as passé le morceau avant là. Je savais pas qu'on avait fait la même chose. You are a statue. Merci à Pull, et merci à Jimmy et aux gens qui regardent cette soirée. Et vive les cheveux longs, les chemises à carreaux. Yeah. Tous les surfeurs qui ont la soirée en Saint-Ex, il y en a pas mal là pour une fois. Thank you. nationale et pour Sylvain qui doit être par là. Avec Brie aussi. Vive l'Australie. Vive Extreme Fighter. Respect for God. Merci, à bientôt peut-être si quelqu'un veut nous faire jouer.